En signe de soutien à l'appel du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017, le comité préparatoire national du Népal pour le même rendez-vous a publié une déclaration le 16 novembre. Par ailleurs, dans son entretien publié le 20 courant, Norma Pinas, vice-présidente du comité philippin de solidarité pour la paix et la réunification dans la paix sud-coréenne, a félicité la constitution du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017.